les soirées Rock Avenue. Venez danser avec Bill Haley, Gene Vincent, Cal Perkins, Jerry Lee Lewis et le King lui-même, Elvis Presley. Pour vous aider à suivre leur pas, des cours de Rockabilly Jive vous sont offerts gratuitement par les danseurs professionnels de l'école Rock Avenue. Les mardis Rock Avenue, c'est à l'Abreuvoir que ça se passe, au 403 Ontario West. Le plus grand festival de hard rock et d'heavy metal en Amérique du Nord est VMTL, avec System of a Down, Slipknot, Killswitch Engage, Lamb of God, Deftones, Five Finger Death Punch, Marilyn Manson et plus. Heavy MTL, les 11 et 12 août au Parc Jean-Drapeau. Billets en vente maintenant sur heavymtl.com. En collaboration avec Jägermeister et présenté par... Mélomanes de musique francophone, la nouvelle programmation des Francopholies de Montréal est pour vous. Marie-Pierre Arthur s'amène avec son tout nouvel opus aux alentours. Le retour attendu de 12 hommes rapaillés qui chantent Gaston Miron. Aussi, l'intégrale des variations fantômes de Philippe B et le quatuor Molinari. Et l'ex-batteur des Cowboys fringants, Dom Lebeau, présente Cherchez-Noise. Billets en vente maintenant sur admission.com. Présenté en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse et CISM. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Le Terminus. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan, bienvenue à une autre édition de l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Et je suis en direct des studios de CISM sur le campus de l'UDM. Alors, après Fanny Rochefort, les gars de la SWAM qui étaient au Francopholie, c'est ça. On est de retour dans les studios de CISM. Et bravo à eux qui ont très bien animé tout à l'heure deux émissions super intéressantes. Ce soir, on va avoir pour vous une entrevue que j'ai enregistrée plus tôt cette semaine avec... les gars de Ramona Falls, qui étaient de passage à Montréal en fin de semaine. Ça sera dans une dizaine de minutes. Vous allez également entendre du Lights Off, David in the Woods, également du Saez Writer. Et également, vers la fin de l'émission, une chanson qui risque de pas mal jouer à CSM cet été. Restez là pour l'entendre. Et on va débuter tout de suite avec une formation qui vient de Baltimore. Elle s'appelle Dead Mellotron. Ils ont sorti à la mi-mai. Un album qui s'appelle Glitter, sur lequel se retrouvent 7 chansons de rock assez planant et accrocheur en même temps. Allez voir ça sur Internet. On va écouter tout de suite la chanson Babe de Dead Mellotron sur les ondes de CISM. Thank you. entendre Sonic Youth, mais non, c'est plutôt le groupe Broken Water avec la chanson Coming Down qui se retrouve sur leur plus récent album Tempest. Vraiment très bon album qu'on a reçu à la station cette semaine, je crois, et qui se trouve sur l'étiquette Hardly Art. C'est ça, un label qui est vraiment pas très très vieux, seulement 5 ans, selon ce que j'ai pu voir sur leur site internet, et qui contient déjà, là, qui produit déjà, plutôt qui sort des disques déjà d'artistes super pertinents, comme par exemple Lacera et Hunks, entre autres. Je vais maintenant vous présenter l'entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière, en fait la fin de semaine dernière, avec le groupe Ramona Falls. Le groupe est en spectacle samedi dernier au Petit Campus là, sur Prince Arthur. Et en gros, Ramona Falls, pour vous les situer, c'est le projet solo de Brent Knopf, qui était anciennement du groupe Menomena, et il sortait justement au début du mois de mai sur Barsock Records un deuxième album qui s'appelle Prophets. Et je les ai reçus donc dimanche dernier ici à la station dans les studios de CISM, et j'avais en ma compagnie Brent Knopf, donc c'est ça, le chanteur du groupe. Également le bassiste Dave Lowenson était avec moi également. On a eu droit donc à une performance acoustique et également une entrevue avec le groupe, et on a un petit problème d'enregistrement avec la première chanson qu'ils ont joué. En studio, donc on va seulement avoir le début et la fin de la chanson, mais par la suite, la deuxième chanson, on l'a au complet. Heureusement, et vous allez également remarquer que j'ai fait des traductions au fil de notre discussion dans la première partie de l'entrevue, deuxième partie de l'entrevue, bien je vous résumerai ça en français après l'avoir entendu. Avant d'entendre l'entrevue, on va débuter avec une chanson de leur album Prophet. Ça s'appelle Finder Old, qui devrait faire l'objet d'un premier vidéoclip dans les prochaines semaines selon le groupe. Et alors voilà, on écoute Finder Old de Ramona Falls et on se reparle dans une vingtaine de minutes. I do what I want to. The world is my oyster. Blank sheet of paper. Invent a new language. If you make me king, I'll set you free. êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus avec Jean-François Lusignan. Je suis maintenant en compagnie de Ramona Falls, en compagnie de Brent Nuft. Hello. Hi, how are you? And Dave Lawenson. Ouais. I'm pronouncing right. Très bien. So you're in Montreal since yesterday. You were playing a show at Petit Campus yesterday. Last night, yeah. Last night, yes. It was a lot of fun. Yes, it was great. Really good time. The response from the audience was good. Yeah, there was a very, very nice audience. They were very, very kind. Yes, okay. And you were some kind in the middle of Formula One parties. Did you find it? How did you find it? Well, our tour van was pretty fast, but not quite fast enough to win the race. But okay. yeah, it was a lot of mayhem, a lot of people everywhere. But it's really, really, in my opinion, a lot of fun to see that. Montreal's an amazing city. Mm-hmm. I suspect you are a Formula One fan. That's why you scheduled the concert this weekend. Absolutely. We'll be going to Indianapolis for the Indy 500 later. Yeah. Cool. And for Ramona Falls, is the first time in Montreal, if I'm right? For Ramona Falls, this is our first time. Okay. It wasn't the first time for all of you two to come to Montreal? Or? I've been to Montreal a couple of times before. Okay. I was in a different band previously. And so, okay. Yeah. And you, Dave, was it the first time? This is my first time, yes. Okay. So that's why you have break today. You're going to enjoy the city? Yeah. Okay, cool. Later, we're going to go to the park and watch the drum circle and the role-playing games. Yeah, at Mont-Royal. Yeah. Yes, cool. And you played during this tour with the Darcys? Yes. A Canadian band? That's right. Yes. Are you going to play with them for the rest of the tour? Yes, for about four or five more shows, yeah. Okay. Did you know them before? I saw them play in Austin for South by Southwest, that festival, and okay. I thought they were great. And Dave was familiar with their music as well. And okay. We asked them to tour with us, and they said yes. So, okay. So it was a good combination with the sound of the two bands. I think yeah. So. Yes, cool. And you're here so in Montreal to promote the second album of Ramona Falls. It's called Prophet. Yeah. It was released the beginning of May. That's right, May 1st. Okay. And for you, the first album was the first album of Ramona Falls, but it was an album that was released when you were in a different band at the same time. Yeah. So this time it's kind of a new first album for Ramona Falls. That's right. It's my main project now. Mm-hmm. And you have new bandmates with you? I do. Dave, was you with Brent before? No, I actually joined the band 2 years ago, okay. After the release of Intuit. Okay, and that's the same thing for the two other members? I guess Paul joined a bit earlier, and Brandon, okay. Our guitarist, joined about a month and a half ago, so he's very new. Okay. I actually met Dave on when we were making a music video for the song Russia from our first song, and Dave was the producer for that video, and I loved him so much as a producer, and I learned he was a musician, and I asked him if he would try out for the band, and it turned out well. Yes, definitely. Okay. Okay, so I'm going to translate a little bit for the people at home. Great. Je suis en compagnie de Ramona Falls, donc en compagnie de Brent et Dave. Ils sont en spectacle. Ils étaient en spectacle, en fait, hier au Petit Campus pour promouvoir la sortie de leur premier album qui s'appelle Prophet, qui avait en première partie de Darcy's. Ils nous ont parlé également qu'ils ont été pris un petit peu dans tout le spectacle entourant la Formule 1 qui est au centre-ville, donc pas tellement loin du Petit Campus. Et on a discuté aussi un peu que cet album-là, Prophet, est le deuxième album du groupe, mais en fait un peu le premier album en quelque sorte, puisque maintenant Brent, c'est son projet principal. Alors voilà. So Dave and Brent, Dave, when you were talking before the interview, you said to me, and I noticed it yesterday, you speak a little bit of French. Un peu, oui. How did you learn French? J'habitais à Paris il y a quelques ans. Okay. Et voilà. Okay. Did you play in a band at that time? Or? I was in university at the time, so I played my little guitar in cafes and that sort of thing. But I didn't have a full band. Okay, and that's useful when you come to Montreal, so you can teach Brent some words in French. Quite. And the audience is happy at that time. Exactly. I can also say things behind his back that he has no way of understanding. Okay. You would never do that to me. Rien. Cool. Il est très très méchant. On travaille très très dur pour son vanité. Ouais. Alors. Ouais. Okay. How is touring with Brent? It's excellent. It's fun. And now give the true answer in French. C'est dur. C'est vachement dur. Pas facile. mon cœur il noie dans l'ennui et le mal. Mm-hmm. No, it's good. We're all sort of veterans. Everyone in the band has toured extensively in this band and other bands. Okay. So you know what to do, what not to say to keep everyone happy. Everyone's just completely silent. Okay, in the van. In the van, nobody speaks. Okay, that's the answer. That the solution to keep everyone happy. Yeah. Whether you're in a band or in a marriage or same thing. And maybe if we talk about the album and the translation to the stage, sure. Was it difficult for you to because on the album each song has a lot of layers. It's complex. Do you find it difficult? It's time consuming. Yeah. But. You know, it's worth it. It's worth it because I really enjoy performances where it's happening in the moment and where everything is being played by the musicians on stage live. And so because there's so many layers in the music, I had to take some time to really carefully, export different sounds from the album and then connect those sounds with different keys on my keyboard. So it ends up becoming a weird ballet or puppet dance with my fingers to try to play all the different samples at the right times. So but it's a lot of fun, and Dave and Paul and Brandon are the nicest guys in the world, so it's really, really fun to play with them. Okay, and when you compose music, do you have the live performance in mind, or it's you don't have to do it because it changed the sound? I mean, mostly I sometimes, if I think about the live performance, I think about like how I want it to feel on stage in terms of like what I want the emotion to be musically. And so I'll sometimes think of like this particular section is going to feel really good when we play it. But I so far I haven't ever thought, well, I need to only record what we can play on stage. And that means I have to spend a lot of time to jury rig the system so that we could actually replicate the record. Okay. Yeah. Okay. And do you find, maybe I can ask Dave, that there are songs that are difficult to play on stage or? Yeah, it's a very, it's been a fun experience learning how to do, you know, seven different things at one time for sure. And for the most part, we try to replicate the arrangements that are on the record, but there's one song in particular called Fingerhold that we decided to just sort of completely reimagine for the live setting, and that's been really satisfying, I think. And I will translate a little bit. Alors on vient de parler avec de la transposition des chansons sur scène, et Brett me disait que c'est donc il n'a pas nécessairement pensé nécessairement à, quand il composait les chansons, à la façon qu'elle allait être transposée sur scène. Mais parce que sinon, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais sinon, on a parlé également. Bon, j'ai oublié un petit peu. Alors, so we're gonna continue to speak with you guys. You have, Brent, when you composed the first album, it's really known. Everyone, when you were talking about your first album, they're talking about the fact that you worked with 35 musicians, different people to collaborate on the album. And now, it's completely different for this album. You work with the bandmates you have now. Definitely. When I worked on the first Ramona Falls album, there was no band. It was just me. And then, so I thought, well, this will be a good excuse to go work with some people I love and admire and, you know, jam with them for a couple hours. But after the record was released, then we formed a band. And once the band existed, then I wished to include the band as much as possible in the recording of the second record. And we had instead of 35 guests for this for profit, we have 4 guests in addition to the band. Okay. So it was a bit smaller of a circle of people. Okay. And on the website of Ramona Falls, you published a comic strip that you're some kind of telling us how you recorded the album, and we learn a lot of things. For example, you are telling that you used the mic that Michael Jackson used on Thriller. That's right. Is that true? Well, it's the same model number. You know, it's kind of a famous mic, and I tried it out, and I didn't sound as good as Michael Jackson. Okay, that's not the mic, that's the guy. And you also, that's you that was responsible of the drawing? Yeah, I drew all those little pictures, yeah. Okay, okay. And you're also drawing and telling us that Paul, in fact, standing behind his drum. Yep. That's very characteristic of him. It is, yeah. Paul. Yeah, Paul is always standing up when he's playing his drums. Yes, that's very, yeah. And singing, even if he doesn't have a mic. Yeah, he's really energetic and brings a lot to the show. Okay, so Dave and Brent, you brought with you guitars, guitar in fact, and you're going to play two songs for us. Mm-hmm. You're going to start with which song? Well, we're going to start with a song called Bodies of Water. Okay. Alors sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus, voici Ramona Falls, Bodies of Water. Montreal and college radio station. This is awesome. Okay. Softest lips, the sharpest tongue, it's a guilty breath. I could be a proven right by withholding my love. You will shrivel and die. I'm from there. That is where they fell in love. I have to let go of total control. But what do I know? I have to let go of total control. Take it back. You can't take it back. You can't take it back. Okay. This next song is called Proof. Are we friends? Are we more? There's no proof. You describe your exploits, and I approve. And if I make a move, we diverge into two. A collide with our lips. With our lips. It's noon on the equator. Oh, oh, oh, oh. It's noon on the equator. Oh, oh, oh, oh. But instead I withdrew, didn't want to lose you, but you left anyway, packed your bags, sold your place, until now, never knew that you cared for me too, until now. Knew that I hurt you. It's noon on the equator. Oh, oh, oh, oh. It's noon on the equator. Oh, oh, oh, oh. It's noon on the equator. Oh, noon on the equator. Alors, c'était Ramona Falls avec la chanson Proof sur les ondes de CISM. Thank you, guys. Thank you. And the song Proof, can you tell a little bit of what it is talking about? Sure. Well, sometimes, I don't know. Well, sure, there's a chorus that says it's noon at the equator. Mm-hmm. And, you know, up here in Montreal, when it's noon, the sun is in the south. And if you're standing up, then it casts a shadow pointing northward. So you could tell which way is north and which mm-hmm. way is east and west. And I use this a lot, you know, to figure out where I'm going. But I thought, like, you know, on the equator, when it's noon, the sun is right above you. So you don't have your shadow, you're standing on it. It's not pointing anyway. So you don't have a sense of direction. And that, to me, is kind of how I felt in that situation that I was writing about, where I couldn't tell. I couldn't really read the situation very well. Okay. And I didn't know quite what to do, and I played it safe. And so it's kind of about people who, in those situations, play it safe and then later on find out that they should have done something else, maybe. Okay, yeah. Okay, cool. and this song is on your latest album, Prophet. Yeah, yes. Yes, and you played the song yesterday? We played it last. Petit Campus, okay. And maybe you can talk about the internet, all the media, this kind of media, social media, do we say it in English? Uh-huh. Yes, okay. What's your vision or your use of, like, Facebook, for example? Are you responsible of, in charge of, this? Yeah. Yeah, I update the Ramona Falls Facebook and Twitter and Tumblr and Instagram accounts. It's you? Okay. Yeah. Okay. So you're really involved in the promotion on the internet of the band. Yeah, I try to, you know, put up interesting things there from time to time, let people know about our shows. Mm-hmm. Sometimes I feel self-conscious because I feel like I'm always promoting the band and I feel mm-hmm. a little bit... what's French for douche? La douche. No, we understand it in French. Okay. The same thing. I feel kind of strange doing that, but I also just want to give our fans a chance to to know what we're up to. Do you have some friends on Facebook that are telling you that they are tired of hearing of your projects? Or No, they just stop liking the band. The mix goes down. Never hear from them again. So works clear. Out. Yeah, okay. Win-win. Okay. And now you're in tour. You played Toronto on Friday, if I'm right. Yeah. You played yesterday in Montreal. The tour is not finished yet. You have 2 days of break. Uh-huh. Today and tomorrow. And you're going to play, I think, in Boston. Yeah. Tuesday. Someone visited our Facebook account. Yes. Well informed. That's great. Yeah, we play in Boston, not tomorrow, but the day after. And then... Okay. In New York twice, in Philadelphia, Washington, D.C., and then over to Denver and Salt Lake. That's a real East Coast tour from a band from the West Coast. That's right, yeah. Is it long for you, trip for you to come here in the East? Yeah, our first show of this tour was in Minneapolis. And Minneapolis is a 30-hour drive from Portland, Oregon. Oh, wow. So it's a long drive. Okay, and Dave is the... official driver of the van. Exactly. Okay, that's your role in the band. Chauffeur. Chauffeur. Chauffeur et chômeur. And who's entertaining the chauffeur? Brandon? Le chauffeur. And what, maybe I can ask you, I'm curious, what are you listening in the van when you're on tour? Sure, we've listened to a lot of things so far. We listened to Mikachu and the Shapes, we listened to Radiohead, we listened to Air. Ah, cool. A whole bunch of things. So, a fan in Minneapolis gave us a mix CD of all these wonderful artists that I'd never heard of, and we really enjoyed that a lot. Yes. We really enjoyed our time there. And maybe we can talk before you leave about a video. You shoot two of them for the previous album, for the song Russia and... I See Fever. Very, what can I say, imaginative... Thank you. Videos, and I also saw on your Facebook page that you're working on the new video for the new album. That's right. Which song would it be? Well, I think the first video people will see is for the song Finger Hold. Okay. Yeah. Okay, and what do you have in mind for the video? Because you, on Facebook, if I can tell, you posted that you are looking for a house for a shooting. Yeah. It's kind of a secret, that one. But that's okay. That's actually for a different song. That's for the second video. So you were in advance. Yeah. Okay. Yeah. So we finished, but the director finished shooting the first video, and now we're working on the edit. So it's almost done, just another week or two. Okay. And I've seen it, and I'm really excited by it. It's really beautiful, and it's actually a very emotional video. Okay. I found myself really emotionally affected by it. Are you going to be in front or acting in these videos? Because in the two previous videos, you were not. I'm not in this one either. See, the thing is, I'm incredibly ugly, so I'm going to make sure I'm not in any videos. Okay. But am I right? But there's a bandmate that was in one of the two videos. That's right. Yeah. Matt. So Matt was with Ramona Falls for the recording of Prophet, and he toured with us when we toured the first record, Intuit. But Matt is in another band, which is doing really well. They're called Lost Lander, and he's focusing his time on that right now. Okay, cool. Okay, so we're going to watch your new video, which will be released in the next weeks. Yeah, hopefully in the next 2 weeks. That would be my favorite scenario. Okay, yeah. Cool. And you're going to continue to tour in the next week or weeks to promote your second album, Prophet. Yeah. Okay, so Dave and Brent, thank you for being here at CISM. Merci beaucoup. Merci. Formidable. Restez cool, Montréal. Alors voilà, c'était l'entrevue que j'ai réalisée avec les gars de Ramona Falls dimanche dernier dans le cadre de leur passage pour un spectacle au Petit Campus qui avait lieu, quant à lui, samedi dernier. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, je pourrais rapidement vous parler de qu'est-ce qu'on a discuté ensemble dans la dernière portion de l'entrevue. On a parlé tout d'abord de la chanson Proof qui vient d'interpréter et du sens de cette chanson-là, en fait, qui tourne autour du fait que dans la vie, on a parfois des repères pour prendre des décisions. Et là, dans cette chanson-là, Brent parlait d'une situation dans laquelle il n'y avait pas trop de repères pour prendre cette décision-là et finalement, c'était peut-être pas la meilleure décision. C'était une décision plus conservatrice qu'il avait prise à ce moment-là. Et on a également parlé du fait que Brent, le chanteur du groupe, s'occupe également, c'est lui en fait qui s'occupe de la promotion sur Internet, qui met à jour les différentes plateformes des réseaux sociaux. On a aussi parlé de la tournée actuelle de la côte Est, eux étant un groupe de la côte Ouest. Et c'est assez impressionnant de savoir que lorsqu'ils ont commencé la tournée qui débutait à Minneapolis, eh bien, ils ont dû se taper 30 heures de route pour débuter leur tournée dans leur petite van. Et on parlait que c'est Dave qui est le chauffeur officiel de la van de tournée. Et on a aussi parlé des groupes qu'ils écoutent normalement, habituellement, ou plutôt dernièrement, dans la van de tournée. Et finalement, on a su qu'il y a un vidéoclip au moins, et même peut-être deux vidéoclips qui vont être produits ou mis en ligne sur Internet dans les prochaines semaines. Alors voilà pour cette entrevue et performance acoustique avec les gars de Ramona Falls. Très, très sympathique, Brent et Dave. On va poursuivre en musique avec un groupe de Montréal. Il s'appelle Lights Off. La chanson Film School, tout ça, à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Film school. I've seen all the ones. as disparu, visite clandestine, tout dernier salut. Je semble vivre celui que tu m'as volé. Son chemin, je sais le suivre. Je suis perdu à voler. Conversation toute simple pour enrayer le malheur. On souriait d'une fin. Je tente d'étirer le temps qui a tout brisé. J'essaie de sauver ce qui s'est passé s'intégrer. C'était David and the Woods avec Fantôme d'automne, c'est ça. Le groupe s'était d'ailleurs produit dans le cadre du festival Artefact de Valleyfield qui était présenté, certains spectacles, c'est ça, ont été présentés, je vais y arriver, en direct à CISM. Et au sujet de David and the Woods, en fait, c'est le projet solo, ou en fait le projet de David Dugas-Dion qui s'est entouré là, de différentes personnes au fil des années, dont entre autres là, Philippe Guérin qui est chanteur du groupe Harvey qui est également de Valleyfield. Et aux dernières nouvelles, donc bonne nouvelle, un nouvel album serait en production pour David and the Woods, donc c'est à suivre. Et je vous rappelle que pour réécouter l'émission, c'est ça, et également retrouver la liste des chansons qui ont joué ce soir, vous allez pouvoir vous rendre sur le csm893.ca quelques minutes après l'émission pour retrouver tout cela en ligne directement. On va maintenant écouter la formation Les Jovialistes qui caractérise leur musique comme étant de la néo-pop, grunge, power ballad, boogie. Et on a reçu cette semaine à la station leur premier album qui s'appelle « Bande de loups en veste de cuir ». Et bon, ça réinvente rien parce que ça, entre autres, un son qui ressemble par exemple aux trois accords « Dorothée est une salope » et d'autres groupes du même genre, là, pas très très sérieux. Mais je vais faire entendre la deuxième chanson qui est sur cet album-là, s'appelle « Pas à Verdun ». Vous allez voir, c'est assez accrocheur et vous allez sûrement réentendre ça à plusieurs reprises cet été à CISM. Alors tout de suite, les jovialistes « Pas à Verdun » sur les ondes de CISM. Il y a plein de vaisselle sur mon comptoir, te j'ai pas, je ferai ça demain. Il y a une pile de linge sur mon plancher, laisse-les là, je ferai ça le mois prochain. Allez, viens, prends ma main, nous irons loin, mais pas. We'll Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant et on est rendu pas mal à la fin de l'émission de ce soir et vous venez tout juste d'entendre le groupe de Atlanta, All the Saints et la chanson Buster qui se retrouve sur un album là, qui s'appelle Intro to Fractions qui est paru il n'y a pas tellement longtemps cette année. Et juste avant, si vous êtes curieux, et c'était les Jovialistes avec Pas à Verdun. Je l'ai eu dans la tête toute la journée depuis, en fait, depuis que je l'ai entendu avant-hier. Je l'ai dans la tête, Pas à Verdun des Jovialistes. Et bien, restez à l'écoute, hein, parce qu'après les publicités, ce sera Étienne Champagne avec son émission Rythmologie pour les deux prochaines heures. On va se quitter quant à nous avec Writer, un duo de San Diego, et leur single Family Diner. Je vais juste aller mettre la piste au bon endroit. Alors voilà qui est fait, je m'appelle Jean-François Lusignan, passez une très bonne fin de soirée, à bientôt. Blind with Rome, Bad Religion, No Use for a Name, As I Lay Dying, Dream Theater et plus de 100 autres groupes. Le Detox Rockfest le 15 et 16 juin à Montebello. À ne pas manquer, réservez vos billets et votre site de camping au pnrockfest.com. Detox Rockfest 2012, le party rock en Outaouais. Une collaboration Musique Plus, Loto-Québec et Desjardins. Bonjour, j'espère que ça va bien. Sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge. Quel bonheur. Vous me faire jouer la bonne musique, hein? On va essayer du moins, on va essayer. C'est ce qui arrive quand on a un iPod Shuffle à la place du cerveau. Ça me surprend pas. Dans notre parcours sonore incroyable qui nous amène dans les hauteurs les plus vertigineuses jusqu'au bas-fond marin. Non, excusez. Excusez-moi. Merci d'avoir été là. Mon corps en tremble encore. Et ce n'est que pour vous, chers auditeurs de CISM. Vous le valez bien. 89.3 FM, La Marge. Bonne semaine. Les Francofolies de Montréal, c'est le lancement de l'été. 10 jours de fête au cœur du centre-ville. Ne manquez pas la série gratuite Les Nuits Rock de Ford avec l'éclectique groupe Crash Ton Rock, les Dale Hourchuck et Galaxy. Ensuite, la fête se poursuit tous les soirs avec les parties du Shag au Savoie du Métropolis. Soyez des nôtres de 17h à minuit. Rendez-vous sur francofolie.com. Les Franco sont présentés en collaboration avec Ford du Canada en association avec La Presse et CISM. Ne manquez pas le retour de Laura Marling à Montréal. Samedi le 16 juin au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame-Ouest. Avec en première partie, Willie Mason. Procurez-vous vos billets dès maintenant au evenco.ca. Laura Marling, le 16 juin au Théâtre Corona. Présenté par Oceaga, Greenland et Blue Sky Stern Black. La deuxième semaine du Sony Péripopulo continue avec Steve Roden, Seth Clouette, Deer Tick, Turbo Fruits, Alistair Roberts, Taddy Toes, Action Par Minute, Weird Montreal, Raining Sound, Mark Sultan, Lethe, CSC Funk Band, The Key Lights, Les Saxarinos, Micah Domingo, Ellery Escalin Trio New York, Jane and the Magic Bananas. Pour billets et informations, sonyperipopolo.org. Virgin Mobile présente Oceaga 2012 en collaboration avec Budweiser du 3 au 5 août au Parc Jean-Drapeau, mettant en vedette The Black Keys, Snoop Dogg, Metric, Feist, City and Color, The Shins, plus de 100 groupes, Florence and the Machine, MGMT, Justice, Fun et beaucoup plus. Billets en vente maintenant. Pour plus d'infos, visitez oceaga.com. Evenco, Greenland et CISM présentent Sleigh Bells, le 5 juillet au Théâtre Corona, avec en première partie Class Actress. Sleigh Bells à Montréal au Théâtre Corona, le jeudi 5 juillet, billets disponibles sur evenco.ca. Une présentation d'Evenco, Greenland et CISM. Découvrez maintenant le nouvel album du rappeur français Aurel San, Le Chant des Sirènes. Souvent satirique et passé maître dans l'art de la provocation avec ses petites phrases cinglantes et son humour noir, Aurel San débarque maintenant au Québec et se rend